Scène seconde, Skeltergate, York, chapitre 1er. Dans cette portion de la ville d'York, qu'on a bâtie sur la rive occidentale de Laos, se trouve une rue étroite, baptisée du nom de Skeltergate, laquelle court à peu près dans la direction du nord-sud, parallèlement à la rivière. La poterne qui jadis donnait accès dans Skeltergate n'existe plus maintenant. Et les maisons du Moyen-Âge que la rue conserve encore sont tristement habillées à la moderne, sous une double enveloppe de ciment et de choux. Des boutiques de l'ordre le plus misérable coupent çà et là les entrepôts enfumés et les résidences particulières, auxquelles leur couleur rouge brique ne donne rien de fort joyeux. Ainsi se présente Skeltergate. Du côté de la rivière, les maisons sont séparées, à courts intervalles, par d'étroits passages qui mènent au bord de l'eau et à l'extrémité desquels on aperçoit de temps en temps des échappées de berges et plus loin les mâts de quelques grosses chaloupes à voile. À son extrémité sud, la rue cesse brusquement et le large lit de Laos, les arbres, les prés, la route publique sur une rive, le chemin de halage sur l'autre, se déploient tout à coup au regard. En cet endroit où la rue finit, et du côté le plus écarté de la rivière, un endroit petit sentier conduit en montant à la chaussée pavée qui surmonte les anciennes murailles de York. La rangée de bâtiments qui d'un seul côté borde ce sentier se compose de maisons garnies qu'on loue à bas prix et qui ont pour perspective, éloignée de quelques pieds seulement, une section des vieux murs massifs qui jadis entouraient la ville. Cet endroit s'appelle Rosemary Lane. Il y arrive fort peu de jours. Il y vit fort peu de monde. La population flottante de Skeltergate passe devant sans y entrer, et les gens qui vont visiter la promenade des murailles, forcés de monter ou de descendre par l'étroit couloir, quittent dès qu'ils le peuvent ces ténèbres d'un effet assez triste. La porte d'une des maisons situées dans ce recoin perdu de la ville d'York s'ouvrit doucement le soir du 23 septembre 1846, et des solitudes de Rosemary Lane, un individu appartenant au sexe masculin descendit seul en flânant vers Skeltergate. Tournant au nord, ce personnage se dirigea vers le pont jeté sur Laos, et par conséquent vers le quartier où se centralisent les affaires de la ville. Il avait les dehors d'une pauvreté respectable. Il portait un parapluie de coton enveloppé dans une toile cirée. Il choisissait les pavés en marchant et fuyait avec soin le contact des moindres souillures. Enfin, il examinait le panorama dont il était entouré à l'aide de deux yeux assez vifs, de couleurs très différentes. Le droit, d'un brun bilieux, qui semblait chercher une fonction quelconque, le gauche, d'un vert également bilieux, qui semblait vouloir prêter secours à son camarade. Pour parler plus net, l'inconnu sorti de Rosemary Lane n'était autre que le capitaine Raig. À le prendre en son état présent, le capitaine n'avait point changé en mieux depuis la mémorable journée de printemps où il s'était mis en rapport avec Miss Garth devant la grille de Combraven. La manie de chemin de fer qui signala cette année à jamais fameuse avait atteint jusqu'au prudent Raig lui-même et l'avait laissé, en fin de compte, ainsi que beaucoup d'autres, valant mieux que lui, dans le plus fâcheux état de prostration pécuniaire. Il avait perdu sa mine ecclésiastique. Avec les feuilles d'automne, il semblait jaunir. Le crêpe de son chapeau, faute de noir, portait en brun le deuil d'une jeunesse déjà lointaine. Son col et sa cravate, d'un blanc habituellement un peu trouble, étaient morts du trépas réservé au vieux linge et attendaient, chez le fabricant de papier, le moment de revivre sous forme de vélin satiné. Une jaquette de chasse, arrivée au dernier degré de l'atrophie particulière aux étoffes de drap, remplaçait le paletot noir des anciens jours, et fidèle servante, dérobait au regard curieux du monde les noirs secrets du linge de son maître. Dans chaque pouce carré des vêtements qui, de pied en cap, habillaient le capitaine, on pouvait constater de graves altérations, mais l'homme lui-même n'avait pas changé, garanti contre toute espèce de moisissure intellectuelle, imperméable à l'action de la rouille sociale. Il était aussi courtois, aussi persuasif que jamais, et d'une dignité tout aussi affable. Sans col de chemise, il portait la tête aussi haute que lorsqu'elle s'encadrait naguère dans cet accessoire important. Le foulard noir, très usé, qui s'enroulait autour de son cou, était noué dans la perfection. Ses vieux souliers, menaçant ruine de toutes parts, étaient serrés avec soin, et son menton rasé de fort près aurait pu être comparé, sans désavantage, à celui du plus haut dignitaire de l'église d'York. Le temps et les changements qui l'amènent, la pauvreté, enfin, avaient à la fois attaqué le capitaine, mais leur triple effort l'avait laissé debout. Il arpentait les rues d'York en homme pour qui les vêtements et les circonstances ne sont que des détails inférieurs. Sur lui, tout autant que jamais, resplendissait son vernis de bohème. Arrivé au pont, le capitaine Reig s'arrêta et par-dessus le parapet se mit à parcourir du regard les bateaux flottants sur la rivière. Il était assez évident que sa course n'avait aucun but précis et que lui-même n'avait rien à faire. Tandis qu'il tuait ainsi le temps, l'horloge de la cathédrale d'York sonna 5h30. Quelques fiacres passèrent sur le pont derrière le spectateur oisif, courant au rendez-vous que le train de Londres leur assignait pour 6h20. Après un moment d'hésitation, le capitaine, sans se hâter, suivit les fiacres. Quand un homme a pris l'habitude régulière de vivre aux dépens des autres, cet homme fréquente toujours, plus ou moins, les grandes stations de chemin de fer. Le capitaine Reig était de ces flâneurs qu'enfante et nourrit la moisson humaine, et dans cet après-midi sans emploi, la gare d'York était un endroit aussi bon à visiter que tout autre. Il atteignit le quai peu de minutes après l'arrivée du train. Cette incapacité absolue de prendre de bonnes mesures pour la distribution de la foule, qui est une particularité du génie administratif de l'Angleterre, n'est nulle part plus en relief que dans cette bonne ville de York. Trois lignes de chemin de fer y déversent sous le même toit, du matin au soir, trois catégories de passagers. Et on les y laisse à l'état d'émeute, assistés dans leur désordre par tout ce que peuvent faire les agents ahuris de la compagnie pour accroître encore la confusion. Ce trouble quotidien arrivait à son apogée au moment où le capitaine Reig monta sur le quai. Des voyageurs de tout ordre essayaient par douzaines d'atteindre des douzaines d'objets également de tout ordre dans des douzaines de directions opposées, tous partis du même point et tous également à court de renseignements précis. Une lacune de la foule qui venait de se séparer brusquement auprès des wagons de seconde classe attira la curiosité du capitaine. Se frayant un passage dans cette direction, il y trouva un homme de mine décente qui essayait, avec l'aide d'un porteur et d'un policeman, de ramasser quelques placards affiches tombés en désordre d'une enveloppe de papier que les autres voyageurs, dans ce frénétique tohu-bohu, avaient en se frôlant arraché de sa main. Le capitaine Reig s'empressa d'offrir son secours avec cette politesse active qui le caractérisait et lut alors, imprimé en lettres capitales sur les affiches qui l'aidaient à ramasser, ces paroles remarquables, 50 livres de récompense. À l'instant même, il en mit une dans sa poche pour l'examiner plus à loisir dès que s'offrirait une occasion convenable. Tandis qu'il froissait l'affiche dans la paume de sa main, ses yeux, mi-partis, demeuraient fixés avec un intérêt avide sur le propriétaire du malheureux paquet. Lorsqu'un homme en est à ne pas avoir en poche 50 pence, et lorsqu'il a le cœur bien placé, ce cœur bondit. L'eau lui vient à la bouche, si cette bouche n'est pas défectueuse, à la vue d'un autre homme portant sur lui une offre imprimée de 50 livres sterling adressée à la généralité de ses semblables. L'infortuné voyageur fit de son mieux le paquet en désordre et quitta le paquet après avoir adressé une question au premier des employés, victimes officielles du trafic des voyageurs, qu'il trouva capable de lui prêter quelque attention. Sortant de la station du côté de la rivière, qu'il allait rencontrer à deux pas, l'inconnu entra dans le bac à la poterne de North Street. Le capitaine, qui l'avait escorté pas à pas jusqu'alors, monta aussi dans la barque et employa le court intervalle de la traversée à parcourir l'affiche dont il s'était emparé pour son instruction particulière. Tournant par précaution le dos aux voyageurs, le capitaine Reig se mit soigneusement dans la cervelle les lignes suivantes. 50 livres de récompense. Une jeune personne a quitté sa résidence habituelle à Londres dans la matinée du 23 septembre 1846 et de fort bonne heure. Âge, 18 ans. Costume, grand deuil. Signalement, cheveux d'un brun très clair, sourcils et cils un peu plus foncés, yeux gris clair, teint remarquablement pâle, la démarche aisée et gracieuse, elle parle avec franchise et résolution, elle a les manières et les habitudes d'une jeune fille parfaitement élevée. Indice particulier, deux petits signes, ou plutôt deux petites taches près l'une de l'autre au côté gauche du cou. Son linge est marqué Magdalene Vanstone. On suppose qu'elle a dû rejoindre ou essayer de rejoindre une troupe d'acteurs momentanément établie dans la ville d'York. Elle avait, en quittant Londres, une caisse noire et nul autre bagage. Quiconque pourra fournir des renseignements de nature à la faire retrouver par ses amis recevra la récompense ci-dessus indiquée. P.S. S'adresser au bureau de Mr. Harkness, avocat, Coney Street, York, ou à Messieurs Wyatt, Pendrill et Gwilt, Searle Street, Lincoln's Inn, Londres. Si accoutumé que fût le capitaine Reig à rester complètement de sang-froid dans toutes les circonstances imaginables, sa surprise au moment où il lut le nom de la jeune personne égarée lui fit pousser malgré lui une exclamation que le batelier ne put s'empêcher de remarquer. Quant au voyageur, il n'y prit point garde. Toute son attention se portait sur le bord opposé de la rivière, et dès que la barque s'y fut arrêtée, il en sortit précipitamment. Le capitaine Reig avait repris son sang-froid. Il avait empoché de nouveau la fiche, et pour la seconde fois, il s'élança sur les traces de l'étranger. Celui-ci se dirigea vers la plus proche des rues qui aboutissent à la berge, confronta les numéros des maisons de la rangée gauche avec une note de son agenda, s'arrêta devant une de ses portes et y sonna. Le capitaine, arrêté devant une porte voisine, ouvrait ses oreilles toutes grandes au moindre lambeau du dialogue qui allait être échangé. En effet, un interrogatoire suffisamment instructif vint récompenser la dextérité du capitaine Reig. « Mr. Huxtable demeure ici ?» demanda le voyageur. « Oui, monsieur. » lui répondit une voix de femme. « Est-il chez lui ?»« Non, monsieur, mais il rentrera ce soir à 8 heures. » »« Une jeune dame a dû se présenter ici aujourd'hui de bonne heure, n'est-il pas vrai ?»« Oui, une jeune dame est venue cet après-midi. » »« Je le savais bien. Nous avons tous deux la même affaire. A-t-elle pu parler à Mr. Huxtable ?»« Non, monsieur, il était absent toute la journée. La jeune dame m'a dit qu'elle reviendrait à 8 heures. »« Fort bien. Je viendrai voir Mr. Huxtable en même temps qu'elle. » « Laissez-vous votre nom, monsieur ?»« Non. Vous direz qu'un gentleman s'est présenté pour affaire de théâtre. Cela suffira. »« Un instant, je vous prie. Je visite York pour la première fois. Seriez-vous assez bonne pour m'indiquer le chemin de Coney Street ?» La femme donna le renseignement, la porte se referma, et l'étranger précipita sa marche dans la direction qu'on venait de lui indiquer. Cette fois, le capitaine Reig n'essaya point de le suivre. L'affiche lui disant assez clairement que le but actuel de cet homme était de compléter, avec l'avocat de la localité, les arrangements nécessaires pour le paiement de la récompense promise. En ayant assez vu, assez entendu pour ce dont il avait à s'occuper immédiatement, le capitaine redescendit la rue, prit à droite, et entra sur l'esplanade qui, dans ce quartier de la ville, longe le bord de la rivière depuis l'école de natation jusqu'à Landall Tower. « Ce sont des affaires de famille, » se disait l'honorable capitaine, persistant par habitude à réclamer ses droits de parenté avec la mère de Magdalene. « Il faut envisager la question sous tous ses aspects. » Il jeta son parapluie sous son bras, croisa ses mains derrière son dos et s'abîma doucement dans ses réflexions. L'ordre et la régularité qui se pouvaient observer dans le costume râpé du capitaine symbolisaient fort bien l'ordre et la régularité qui caractérisait les opérations de son entendement. Il avait pour habitude de chercher son chemin en se posant lui-même, avec le plus grand soin, la série complète des alternatives pratiques dans telle ou telle situation donnée. C'est ainsi qu'il le cherchait maintenant. 3 lignes de conduite pouvaient être adoptées par lui, d'après la remarquable découverte qu'il venait de faire. La première était de n'y donner aucune suite. L'intérêt de famille s'y opposait. S'y opposait également maintes considérations pécuniaires. Elle fut par conséquent écartée. La seconde était de se faire des droits à la reconnaissance des amis de la jeune personne, reconnaissance déjà tarifée à 50 livres sterling. La troisième était de mériter, par un avis opportun, la reconnaissance de la jeune personne, reconnaissance qu'on pouvait évaluer à chiffre inconnu. Entre ces deux alternatives, le prudent Reig se trouva hésitant. Non qu'il doutât des ressources pécuniaires de Magdalene, car il ignorait absolument les circonstances qui avaient déshérité les deux sœurs, mais parce qu'il n'était pas bien sûr de ne pas rencontrer un obstacle à ses projets, sous la forme d'un gentleman encore à trouver, lequel ne serait pas étranger à la disparition de la jeune fille. Après mûre réflexion, il résolut de s'en tenir là pour le moment et de se livrer aux circonstances. En attendant, il fallait courir au plus pressé, c'est-à-dire devancer le messager de Londres et s'assurer de la jeune personne elle-même. « Cet enfant m'intéresse », se disait le capitaine, tout en flânant avec majesté sur la berge déserte. « Je l'ai toujours regardée, et je la regarderai toujours, comme ayant sur moi les droits d'une nièce. » En ce moment-là même, où se trouvait cette parente d'adoption? En d'autres termes, comment était-il probable qu'une jeune personne, dans la position critique de Magdalen, emploierait son temps jusqu'au retour de Mr. Huxtable? S'il fallait décidément croire à l'existence de ce gentleman incommode, que le capitaine avait pressenti à l'arrière-plan, ce serait temps perdu que de chercher à résoudre cette question. Mais s'il fallait regarder comme exactes les inductions suggérées par l'affiche, si la jeune fille était réellement seule à ce moment même dans la ville d'York, où avait-on chance de la rencontrer? Ce ne serait pas, pour commencer, dans les rues hantées par la foule. Ce ne serait pas la cathédrale, car l'heure était passée où l'on pouvait visiter le Minster et les nombreuses curiosités qu'il renferme. Serait-ce au chemin de fer dans les salles d'attente? Non, elle ne se risquerait pas à ce point. La trouverait-on dans quelque hôtel? Bien douteux, vu qu'elle était absolument seule. Chez un pâtissier, beaucoup plus probable. Dans un fiacre à se faire promener, possible à coup sûr, mais pas autre chose. Ou bien sorti pour tuer le temps, et vaguant dans quelque endroit retiré, assez vraisemblable encore par cette belle soirée d'automne. Le capitaine s'arrêta, pesant les droits relatifs que pouvait avoir à son attention le pâtissier d'un côté, l'endroit retiré de l'autre, et il se décida pour la seconde des deux alternatives. De 7 à 8 heures, il aurait tout le temps de chercher Magdalen chez les pâtissiers, de s'enquérir d'elle aux principaux hôtels, ou finalement de l'intercepter dans le voisinage immédiat de Mr. Huxtable. Pendant qu'il faisait encore jour, le plus sage était d'en profiter pour la chercher à la promenade. Mais où? L'esplanade, certes, était un endroit à retirer. Cependant, la jeune fille n'y était pas. Elle n'était pas non plus sur la rue solitaire qui longeait ensuite les murs de l'abbaye. Où donc maintenant? Le capitaine s'arrêta, regarda de l'autre côté de la rivière, s'anima tout à coup sous l'influence d'une nouvelle idée et se hâta de retourner au bac. La promenade des murailles, pensait cet homme judicieux en clignant ses yeux mi-partis. York n'a pas d'endroit plus tranquille, et les étrangers y vont tous. 10 minutes n'étaient pas écoulées que le capitaine Reig explorait déjà ce nouveau champ de recherche. Il monta sur les murailles, qui enferment toute la partie occidentale de la cité, par la poterne de North Street, où la promenade commence ses longs détours qui l'amènent à son extrémité méridionale et aboutissent au passage étroit de Rosemary Lane. Il était alors 7h20. Le soleil était couché depuis plus d'une demi-heure. Il incendiait encore à l'occident, de ses rouges clartés, les dernières limites d'un ciel sans nuages. Les lueurs attendries du crépuscule atténuaient tous les objets visibles, sans les obscurcir encore. Le petit nombre de réverbères qui commençait à s'allumer dans la rue au-dessous marquait à peine le crépuscule de petites taches jaunâtres, au moment où le capitaine se mit à parcourir un des sites les plus frappants que l'Angleterre puisse montrer. À sa droite, quand il se mit en marche, s'étendait le plein pays par-delà les murs, les prairies plantureuses, les rangées d'arbres qui les divisent, les larges méandres de la rivière lointaine, et plus près, les bâtisses çà et là éparses, le tout enveloppé dans le calme du soir et embelli par les splendeurs du jour mourant. À sa gauche, la majestueuse façade que le Minster d'York expose au couchant dominait la ville, et au sommet de ses tours altières recevait les derniers reflets du soleil disparu. Ce noble spectacle avait-il attiré? Retenait-il encore la jeune fille objet de tant de recherches? Non. Jusque-là, nul indice d'elle. Le capitaine promenait autour de lui un regard attentif et poursuivit sa marche. Il atteignit l'endroit où les rails du chemin de fer se frayent un passage à travers les arceaux du vieux mur. Il s'arrêta là. Là où l'idée moderne active et bruyante, hâtant pour ainsi dire le pouls de la vie, se rencontre avec la majesté morte des temps passés et creuse sa voie sous les vieilles pierres historiques qui rappellent l'époque où York était fortifié, le siège qu'elle a soutenu il y a 200 ans. Il s'arrêta là, cherchant de nouveau Magdalene et la cherchant en vain. Main et main oisif laissait tomber ses regards sur la désolante activité qui traverse, sans les peupler, ces rails de fer où l'homme est invisible. Mais parmi eux, Magdalene ne se trouvait point. Le capitaine leva ses yeux incertains vers le ciel qui commençait à s'obscurcir, et il poursuivit sa marche de plus belle. Il s'arrêta de nouveau là où la poterne de Mucklegate est encore debout, et comme jadis sert d'étai à la vieille muraille. Ici, la chaussée pavée descend quelques degrés, passe sous l'obscur corps de garde de l'ancien poste, remonte ensuite, et continue sa course vers le sud, jusqu'à ce que ses murs touchent de nouveau la rivière. Le capitaine s'arrêta et fouilla du regard les recoins ténébreux du vieux corps de garde. La jeune fille attendait-elle dans ces ténèbres que l'obscurité se fit ailleurs? S'y dérobait-elle aux indiscrets? Non. Un ouvrier s'était seul attardé sous cette voûte de pierre, mais nulle autre créature vivante ne s'y mouvait. Le capitaine monta les degrés qui aident à franchir la poterne et poursuivit sa marche obstinée. Il fit encore 50 ou 60 pas sur le pavé de la chaussée, ayant d'un côté les faubourgs d'York, de l'autre un sentier étroit, et sur une bande de terrain vacant, quelques carrés de jardins potagers. Mais il avançait maintenant, l'œil animé d'un pas plus rapide, car il voyait devant lui se dessiner la taille d'une femme seule, debout, près du parapet, le visage tourné vers le couchant. Il approchait avec précaution pour s'assurer que c'était bien Magdalene, et se trouva fort près d'elle avant qu'elle ne tournât la tête et ne vînt à le remarquer. D'ailleurs, il n'y avait pas à se méprendre sur cette grande taille vêtue de noir et appuyée contre le parapet avec une grâce abandonnée. C'était bien elle, sous ce long manteau de deuil. C'était bien son jeune visage, pâle et résolu, sur lequel venait mourir, avec une sorte de langueur, les dernières clartés du jour. C'était bien elle. Elle qui, 3 mois auparavant, enfant gâté des siens, trésor de leur maison, ne se trouvait jamais seule 1 minute, jamais 1 minute sans protection. Et maintenant, à l'aurore charmante de sa jeunesse, elle était là, perdue dans une ville étrangère, pauvre épave de l'océan humain. Tout vagabond qu'il fût, ce premier aspect de la jeune fille ébranla l'indomptable assurance du capitaine Raig, et lorsque lentement elle tourna la tête de son côté, il souleva son chapeau avec tout le respect dont le laissait susceptible une longue existence d'audace et d'effronterie. « Je crois avoir l'honneur de m'adresser à Miss Vanstone, la cadette, » commença-t-il. « Un honneur que j'apprécie et pour plus d'une raison. » Elle le regarda froidement mais avec surprise. Nul souvenir du jour où cet homme les avait suivis, elle et sa sœur, tandis qu'elle rentrait avec Miss Garth, ne se retrouva dans sa mémoire pendant qu'il l'abordait ainsi, différent d'attitude et de costume. « Je crois que vous vous trompez, » dit-elle avec calme. « Vous m'êtes parfaitement inconnu. »« Veuillez m'excuser, » répondit le capitaine. « Je suis en quelque sorte votre parent. J'ai eu le plaisir de vous voir au printemps dernier. En cette mémorable occasion, je me présentais à une digne institutrice employée par feu monsieur votre père. Permettez-moi, dans des circonstances également agréables, de me présenter aujourd'hui à vous. Je m'appelle Raig. » Désormais, il avait recouvré la pleine possession de son impudence ordinaire. Ses yeux mi-partis clignotaient gaiement, et il accompagna d'une révérence de maître à danser cette modeste annonce de sa propre personne. Magdalene fronça le sourcil et recula d'un pas. Le capitaine, pourtant, n'était pas homme à se laisser intimider par un froid accueil. Il jeta son parapluie sous son bras et se mit, par manière d'éclaircissement, à épeler le nom qu'il venait de prononcer. W-R-A-W-G-E-Raig, disait le capitaine, comptant les lettres sur ses doigts, avec un geste à la fois plaisant et persuasif. « Je me rappelle votre nom, » dit Magdalene. « Excusez-moi si je vous quitte un peu brusquement, j'ai rendez-vous à heure fixe. » Elle fit un mouvement pour passer à côté de lui et prendre au nord la direction du chemin de fer. mais il vint aussitôt à l'encontre, levant à la fois les deux mains et protestant poliment contre cette détermination au nom d'une paire de gants tricotés qu'il étendait devant elle. « Pas par là, » disait-il, « pas par là, Miss Vanstone, je vous en prie et supplie, pas par là. »« Et pourquoi donc ? » demanda-t-elle avec hauteur. « Parce que, » répondit le capitaine, « c'est là le chemin qui mène chez Mr. Huxtable. » Dans le premier mouvement de surprise que lui causa cette réponse, Magdalen ne put s'empêcher de se pencher en avant et, pour la première fois, de regarder son interlocuteur bien en face. Il soutint à merveille cet examen soupçonneux qui semblait au contraire le flatter. « H-U-X-Hux, Hux, disait le capitaine, reprenant sa première plaisanterie. « T-A-T-A, B-L-E-B-L, Huxtable. » « Que savez-vous de Mr. Huxtable ? » demanda-t-elle. « Et quelle est votre idée en me parlant de lui ?» Les lèvres flexibles du capitaine dessinèrent un arc plus prononcé. Il se hâta de répliquer comme l'exigeait la situation en extrayant de sa poche l'affiche par lui ramassée. « Il fait encore assez clair, » dit-il, « pour des yeux si jeunes et si vifs. Avant que j'aborde les explications personnelles que votre flatteuse curiosité réclame de moi, veuillez accorder à ce document quelques secondes d'attention. » Elle prit l'affiche qui lui tendait. Aux dernières heures du crépuscule, elle lut la ligne qui fixait un prix aux recherches qu'on ferait d'elle. Ces lignes impitoyables, qu'il a décrivées au public comme on décrit un chien perdu. Rien ne l'avait préparé à ce choc, et aucune bonne parole n'en atténuait la pénible impression. Le bohémien, dont les yeux rusés ne la perdaient pas de vue pendant sa lecture, ne savait pas, et ne pouvait pas lui dire, au sujet de ce papier volé par lui, qu'on l'avait préparé en vue des pires hypothèses, et qu'on ne devait s'en servir qu'après avoir usé vainement de tout autre moyen pour retrouver la trace de Magdalen. Ni lui ni elle n'en savaient pas plus l'un que l'autre sur ce point important. L'affiche tomba des mains de la jeune fille et son visage se couvrit d'une vive rougeur, se détournant du capitaine Raig, comme si pour le moment elle ne se doutait même pas qu'il fût au monde. « Ah, oh, Nora, Nora !» se disait-elle avec affliction. « Après la lettre que je vous ai écrite, après la lutte pénible que j'ai subie au moment du départ, oh, Nora, Nora !» « Comment se porte Nora ?» demanda le capitaine avec toute la politesse imaginable. Un éclair irrité brillait dans les grands yeux gris de Magdalen quand elle se retourna pour lui répondre. « Est-ce que ce papier est étalé publiquement ? » lui demanda-t-elle, foulant l'affiche au pied. « Est-ce que les taches de mon cou sont signalées à toute la ville d'York ? » « Veuillez vous calmer, » continua Raig de sa voix la plus persuasive. « Jusqu'à présent, j'ai toute raison de croire que vous avez eu sous les yeux le seul exemplaire en circulation. Souffrez que je la ramasse. » Mais avant que ses doigts eussent touché l'affiche, Magdalen l'avait enlevée, déchirée en mille morceaux, et en avait jeté les débris par-dessus le mur. « Bravo !» s'écria le capitaine. « Vous me rappelez votre pauvre chère mère. C'est là une vivacité de famille, Miss Vanstone. Nous avons tous hérité de mon grand-père maternel ce tempérament sanguin, cette violence primesautière. Comment vous l'êtes-vous procuré ? » demanda-t-elle tout à coup. « Mais, chère créature, je viens de vous le dire, » remontra le capitaine. « Nous la tenons de mon grand-père maternel. Comment vous êtes-vous procuré cette affiche ? » répéta-t-elle avec un accent passionné. « Mille et mille pardons. J'avais en tête la violence du tempérament de famille. Comment je me la suis procurée ? Le voici en peu de mots. » Ici, le capitaine Raig se mit en scène, exerçant sa voix, comme de coutume, à prononcer avec la plus vive satisfaction oratoire les mots les plus longs du vocabulaire britannique. N'ayant du reste, dans cette occasion bien rare pour lui, aucun projet à dissimuler, cet éloquent personnage se départit de ses habitudes ordinaires et, fort étonné de se trouver si jeune, se donna le plaisir de dire la vérité toute nue. L'effet que ce récit produisit sur Magdalen ne fut pas tout à fait celui qu'en attendait le capitaine Raig. Elle ne fut ni autrement étonnée ni autrement irritée. Elle ne montra aucun désir de se mettre à sa discrétion et de prendre ses conseils. Elle le regardait fixement, et lorsqu'il eut fort proprement arrondi sa dernière période, elle ne lui dit que ceci. « Continuez. »« Continuez ? » répéta le capitaine. « Bien fâché de tromper votre attente, mais par le fait, j'ai fini. »« Non, » répondit-elle, vous n'êtes pas au bout de votre histoire. Ce qui la complète, le voici. Vous êtes venu ici pour m'espionner, et vous voulez gagner les 50 livres de récompense. » Ces simples paroles frappèrent si bien le capitaine Rigg en pleine poitrine que pour le moment il demeura muet. Mais il avait trop souvent fait face à toute espèce de vérité désagréable pour être longtemps déconcerté par aucune d'elles. Avant que Magdalene pût poursuivre ses avantages, le bohémien avait recouvré son équilibre. Rigg était rendu à lui-même. « Joli, joli, » dit le capitaine avec un rire indulgent et de son parapluie frappant le pavé à petits coups. « Il y a des gens qui prendraient ceci au sérieux, mais je ne me pique pas facilement. Essayez plutôt. » Magdalene le regardait dans cette obscurité toujours croissante. Elle le regardait muette et perplexe. Le peu qu'elle avait entrevu de la société ne lui avait montré que des gens possédant en commun le sens de l'honneur et la responsabilité d'une certaine position sociale. De tous les produits qu'émet la grande manufacture de la civilisation, elle ne connaissait que les mieux réussis. C'était là une des lacunes de son éducation, et malgré toute sa promptitude d'esprit, elle se trouvait fort embarrassée pour y suppléer. « Excusez-moi de revenir sur ce sujet, » poursuivit le capitaine. « Cette pensée se présente à moi, que peut-être vous avez parlé sérieusement. Maintenant, pauvre enfant, comment pourrais-je gagner les 50 livres avant que la récompense me soit offerte? Or, ces affiches ne seront peut-être pas rendues publiques d'ici à 8 jours. De quelque prix que vous soyez pour tous vos parents, moi compris, je vous garantis bien que les hommes de loi chargés de diriger cette affaire ne paieront qu'à la dernière extrémité, même pour vous retrouver une somme aussi forte. Êtes-vous encore persuadé que mes poches besogneuses soient béantes pour engloutir cet argent? À merveille! De vos jolis doigts, alors, reboutonnez-les malgré moi. Il y a un train pour Londres ce soir à 9h45. Cédez au désir de vos amis et retournez les trouver. Jamais! Dit Magdalene, qui prit feu devant cette suggestion, tout ainsi que le capitaine l'avait bien prévu. Si mon parti n'avait pas déjà été pris, cette ignoble affiche m'aurait décidé. « Je pardonne à Nora, » continua-t-elle, se détournant et se parlant à elle-même, « mais non pas à Mr. Pendril, ni à Miss Garth. »« Parfait, parfait, » remarqua le capitaine Rigg. « C'est tout à fait l'esprit de famille. À votre âge, moi qui vous parle, j'aurais fait de même. C'est dans le sang. Écoutez, l'horloge sonne 7h30. Veuillez, Miss Vanstone, excuser cette brusquerie opportune. Si vous devez suivre l'idée que vous venez d'émettre, si vous voulez continuer à rester maîtresse de vous-même, il faut, avant qu'il soit 8 heures, adopter une marche quelconque. Vous êtes jeune, inexpérimenté et dans un péril imminent. D'un côté, une position critique, et de l'autre, me voici moi, vous portant tout l'intérêt qu'un oncle a pour sa nièce, et rempli jusqu'au bord de conseils excellents. Vous n'avez qu'à tourner le robinet. Et si je veux ne dépendre de personne, si je veux demeurer libre de mes actions, dit Magdalene. « Après ?»« Alors, » répondit le capitaine, « vous irez vous fourrer tout droit dans une des 4 souricières qu'on vient de placer pour vous prendre aux 4 coins de cette vieille et intéressante cité d'York. Souricière numéro 1, la maison de Mr. Huxtable. Souricière numéro 2, dans tous les hôtels. Souricière numéro 3, à la station du chemin de fer. Souricière numéro 4, à la salle de spectacle. » L'homme aux affiches avait 1 heure devant lui. S'il n'a pas déjà établi ses 4 souricières, avec l'assistance de l'avocat auquel il était recommandé, il n'est pas l'adroit petit clerc pour lequel je l'ai pris. Allons, allons, ma chère enfant, s'il y a quelqu'un à l'arrière-plan dont les conseils vous semblent préférables aux miens. Vous voyez que je suis seul, interrompit-elle fièrement. Si vous me connaissiez mieux, vous sauriez que je ne compte sur personne autre que moi-même. Ces paroles tranchèrent l'unique incertitude qui restait dans l'esprit du capitaine, à savoir si, dans cette direction, le chemin s'ouvrait libre devant lui. Bien évidemment, le motif de Magdalene en quittant sa famille avait été celui que l'affiche assignait à sa fuite, une indomptable fantaisie d'embrasser la carrière dramatique. De 2 choses l'une, pensait Rigg, conformément à ses habitudes logiques, dans la situation où la voilà, elle vaut pour moi plus ou moins de 50 livres sterling. Si elle vaut plus, nous laisserons ses amis tendre inutilement leurs appos. Si elle vaut moins, Je n'ai qu'à la tenir sous clé jusqu'au moment où les affiches auront été posées. » Encouragé par ce simple dilemme, le capitaine revint à la charge et plaça poliment Magdalène entre les deux alternatives inévitables, ou de se confier à lui, ou de retourner chez les amis qui la réclamaient. « Partout où je la trouve, disait-il en se donnant des airs de sévérité vertueuse, je respecte l'indépendance de caractère. Dans une jeune et jolie parente, je fais plus que la respecter, je l'admire. Mais, excusez cette assertion téméraire, pour suivre un chemin à soi, il faut d'abord avoir un chemin qu'on puisse suivre. Dans les circonstances présentes, votre chemin, où est-il? Et pour commencer, il ne peut plus être question de Mr. Huxtable. Il n'en peut plus être question ce soir, dit Magdalène. Mais qui m'empêche d'écrire à Mr. Huxtable et de prendre avec lui pour demain des arrangements où personne n'aura rien à voir? D'accord, j'y consens. C'est une idée, une ingénieuse idée. Maintenant à mon tour, pour arriver à demain. Excusez encore une fois cette assertion téméraire. Il faut bien passer la nuit. Où coucherez-vous, je vous prie? Est-ce qu'il n'y a pas d'hôtel à York? D'excellents hôtels pour de nombreuses familles, excellents aussi pour des célibataires du sexe masculin. Mais les pires hôtels du monde pour les belles jeunes personnes qui viennent y frapper toutes seules, sans escorte d'un autre sexe, sans femmes de chambre qui les suivent et sans un seul article de bagage. Si noir qu'il fasse, j'imagine bien que je verrai une caisse à robe pour peu qu'il s'en trouve à une dans notre voisinage immédiat. Ma caisse est consignée au chemin de fer. J'ai le billet. Qui m'empêche de l'envoyer chercher? Rien au monde. Si vous voulez communiquer votre adresse au moyen de cette caisse indiscrète, réfléchissez. Je vous supplie de réfléchir. Supposez-vous réellement que les gens qui vous cherchent soient assez insensés pour ne pas avoir l'œil sur le bureau de consignation? Les supposez-vous assez niais, quand ils vous verront manquer chez Mr. Huxtable au rendez-vous de 8 heures, pour ne pas faire enquête dans tous les hôtels? Pensez-vous qu'une jeune personne aussi remarquable que vous, à supposer même qu'on vous y voulut recevoir, puisse aller prendre résidence dans une auberge, sans devenir aussitôt, pour tout le monde, un objet de remarque et de curiosité? Voici la nuit qui se fait de plus en plus vite. Je ne prétends nullement vous importuner. Souffrez seulement que je répète ma question. Où passerez-vous la nuit? À cette question, pas de réponse. Dans la position de Magdalène, elle n'avait évidemment rien à répliquer. Aussi se taisait-elle. Où passerez-vous la nuit? Répéta le capitaine. La réponse se présente d'elle-même. Vous passerez la nuit sous mon toit. Mrs. Reig sera charmée de vous recevoir. Regardez-la comme votre tante, je vous en prie. La propriétaire est une veuve. La maison est près d'ici. Il n'y a point d'autre locataire. Et tout justement, une des chambres est à louer. Est-il rien de plus complètement satisfaisant à tous égards? Veuillez remarquer que je ne dis rien relativement à demain. Je vous laisse demain, et me limite exclusivement à ce soir. Il se pourra, oui ou non, que je mette à votre disposition pour entrer au théâtre l'appui que je suis en état de vous donner. Je ne sais pas. Je ne puis dire jusqu'où m'entraîneront la sympathie et l'admiration que m'inspire l'indépendance, l'intrépidité de votre caractère. On citerait par centaines les étoiles brillantes du théâtre anglais qui ont commencé leur noviciat dramatique de la même façon que vous commencez le vôtre. Et ces beaux exemples peuvent, oui ou non, se présenter à mon souvenir. Nous traiterons ultérieurement de tout ceci. Pour le moment, je me borne à ce que le devoir m'impose. Nous sommes à 5 minutes de ma demeure. Permettez-moi de vous offrir le bras. Non, vous hésitez. Vous vous méfiez de moi. Juste ciel! Serait-il possible que vous eussiez entendu tenir sur mon compte des propos désavantageux? Très possible, dit Magdalène, sans reculer un moment devant cette réponse désobligeante. Pourrais-je être mis au courant? Demanda le capitaine avec le calme le plus courtois. N'épargnez pas ma susceptibilité. Ayez l'obligeance de me tout dire. Et maintenant, en termes clairs et nets, que vous a-t-on raconté? Elle lui répondit comme répond une femme aux abois. Sans le plus léger égard aux conséquences que ses paroles pourraient avoir. Elle lui répondit à l'instant même. « J'ai entendu dire que vous êtes un drôle. »« En vérité ?» répondit l'imperturbable Reig. « Un drôle. Eh bien, soit. Je n'exercerai que plus tard le droit que j'ai de rectifier vos idées à ce sujet. Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que je suis un drôle. Et qu'est donc Mr. Huxtable? Un homme digne d'estime, sans quoi je ne l'aurais pas trouvé dans la maison où nous nous sommes vus pour la première fois. À merveille! Maintenant, une simple observation. Vous parliez, il y a une minute, d'écrire, Mr. Huxtable. Eh bien, que doit faire, à votre ami, un homme digne d'estime, à l'égard d'une jeune fille qui vient à lui sans lui dissimuler qu'elle s'est échappée de chez ses parents avec le projet de monter sur les planches? Ma chère enfant, d'après votre exposé même, ce n'est pas d'un homme estimable que vous avez besoin dans la situation où vous vous êtes mise, c'est d'un drôle comme moi. Magdalene se mit à rire amèrement. Il y a quelque chose de vrai en ceci, dit-elle. Je vous remercie de m'avoir appelé à moi-même et à la situation que je me suis faite. J'ai mon but où il faut que j'arrive. Et qui suis-je donc pour choisir mon chemin sur cette route fangeuse? À mon tour de vous demander pardon. Je vous ai parlé comme si j'étais une jeune personne bien née et bien placée dans le monde. Sottise pure. Nous en savons plus long là-dessus, n'est-ce pas, capitaine Raig? Vous avez, ma foi, bien raison. L'enfant de personne peut bien coucher sous le toit de n'importe qui. Pourquoi pas sous le vôtre? Par ici, dit le capitaine, profitant adroitement de ce brusque changement d'humeur et s'abstenant prudemment de l'exaspérer par le moindre propos. Venez, c'est de ce côté. Elle fit avec lui quelques pas et s'arrêtant tout à coup. Supposons, s'écria-t-elle brusquement, que je vienne à être découverte. Qui donc a sur moi la moindre autorité? Qui peut me ramener si je refuse de le suivre? Quand même tous ceux qui me cherchent me trouveraient dès demain, après. Ne puis-je dire non à Mr. Pendril? Ne puis-je me fier à mon courage pour résister à Miss Garth? Et ce courage vous suffira-t-il pour résister à votre sœur? Dit tout bas le capitaine, qui n'avait point oublié ses allusions à Nora, par deux fois sorties des lèvres de Magdalene. La jeune fille pencha la tête. Elle frissonna, comme si l'air frais de la nuit l'avait tout à coup saisie, et s'adossa languissamment au parapet de la muraille. Résister à Nora? Non, dit-elle tristement. Vis-à-vis des autres, je me sens de force, mais non vis-à-vis de Nora. Par ici, répéta le capitaine Raig. Elle se redressa, leva les yeux sur le ciel obscurci, regarda tout autour les paysans qui se couvraient de ténèbres. Que ce qui doit être s'accomplisse, dit-elle, se laissant entraîner par son nouveau guide. L'horloge de Minster sonne à 8h15 au moment où, quittant la promenade des murs, ils descendirent les degrés qui conduisaient dans Rosemary Lane. Presque au même moment, le clerc, dépêché par l'avocat de Londres, donnait à ses subalternes leurs dernières instructions et s'embusquait lui-même de l'autre côté de la rivière, de façon à surveiller sans peine la porte de Mr. Huxtable.